Yeah! j'appellerai tous ceux qui nous condamnent. S'ouvrir sous

c'est Patrick Fiori sur Mona FM. Quand l'écran s'allume et que d'autres s'éveillent, fatigués de sommeil, quand le monde doit choisir, quand il n'y a plus d'armes, rien que des mots d'excuses, maquillés par la ruse, on demande à choisir si je laisse couler la soif de tolérance, bonne ou mauvaise conscience. Jamais comme j'imagine, l'écran se rallume, une blonde, une brune, et je suis dans la lune. On demande à choisir, à choisir. Chanson populaire. fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, c'est bâtiment B. À l'oreille de ses lèvres, c'est la voix de toutes les matières.

FM. Il est 2h. Toute la nuit, Mona FM vous offre ses plus belles chansons populaires jusqu'à 5h.